innocents, ils vont le payer de leur sang. Le diable m'a donné ma chance, la mort m'a fait une révérence. Quand j'ai franchi ces murs de flammes, j'ai dû y laisser mon âme. Je suis revenu pour les hanter, je suis revenu pour les juger.